Hello Oxfam sur Fadjet avec le groupe local Oxfam Nancy. Bonjour à tous, chers auditeurs et chères auditrices. Nous sommes très contents de vous avoir aujourd'hui avec nous, en train de nous écouter. J'ai le plaisir d'être au studio avec Jean-Paul. Bonjour Jean-Paul. Bonjour Yoni. Comment ça va ? Eh bien écoute, ça va, de retour de vacances. Alors on a un petit décalage dans nos émissions. Bah écoute, on va faire comme si. Exactement. Et puis, comme tu sais aussi, on se donne le temps de la réflexion chez Oxfam. L'actualité brûle pour point, la suivre, c'est parfois... on suit le flux et puis voilà, c'est un magma, personne s'y retrouve. Et donc, on va revenir sur quelque chose qui nous est cher, c'est parce qu'on était dans la rue avec d'autres amis, associations, par rapport à la loi sur l'immigration. Et c'est ça aussi la magie de la radio, de sortir des choses préenregistrées. Et voilà. Donc on aura une interview à vous présenter qui sera suivie d'un petit débat sur ce qu'on vient d'entendre. Ce sera notamment sur la loi Darmanin. C'est oui. Ça, Jean-Paul ? Oui, par exemple, parce que bon, c'est toujours d'actualité. Hein, voilà. C'est quelque chose que Oxfam a mis une alerte déjà en novembre 2023 sur les dangers de cette loi. Et puis donc on était dans la rue avec quelques amis le 21 janvier dernier. Mais comme on n'a pas pu enregistrer il y a 15 jours, voilà, un petit décalage, mais ça ne fait rien. On va passer cette interview de Mme Isabelle Kaufmann, qui, j'ai appris a posteriori, m'a-t-elle dit, était vice-présidente de la CIMAT Grand Est. Voilà. D'accord. Et ensuite, nous allons revenir un peu plus à l'actualité immédiate, donc avec la journée du 8 mars. Je vais tester Jean-Paul sur ce qu'il connaît sur les droits des femmes, mais pas de souci, je l'aurai un peu présenté avant et ce sera pour voir si tu as bien suivi et les auditeurs également. Bon. Voilà, comme musique, on va avoir Yes and de Ariana Grande. Voilà, donc issu de son nouvel album Eternal Sunshine, voilà, que vous pouvez écouter sur toutes les plateformes. Et voilà, c'est parti. Eh bien, bonjour Isabelle. Bonjour. Vous êtes à la fois proche de la Ligue des droits de l'homme et de la CIMAD. Et merci déjà pour votre disponibilité. Alors, comme évoqué à l'instant avec Yoni et nos auditeurs, nous étions dans la rue le 21 janvier dernier pour dénoncer cette loi sécurité-immigration et ce qu'elle peut engendrer comme méfait. Parce que franchement, à Oxfam, on a bien repéré que la CIMAD est citée comme étant l'organisation de référence sur cette question. Au préalable, je pense que nous pouvons affirmer que cette loi a porté très tôt un discours de rancœur et de stigmatisation, une fois de plus, vis-à-vis des étrangers. Et le narratif semble inévitablement dangereux et continue à renforcer un climat de méfiance envers la personne étrangère. Et je pense que du côté de la CIMAD, nous avons toujours été sur cette même ligne. Vous confirmez, Isabelle ? Ah oui, ah oui, bien sûr, puisque dès le début, donc en janvier 2023, Gérald Darmanin disait qu'il allait faire une loi d'équilibre. Et en fait, il a passé toute l'année et il a été bien aidé en cela par les sénateurs et autres députés. Il a passé donc l'année à décider que c'était... que ce serait une loi délétère, une loi considérant l'étranger comme un ennemi, comme un délinquant futur, comme un futur terroriste, etc. Oui, oui, tout à fait. Oui, et c'était juste après la loi sur les retraites, d'ailleurs. C'était assez fort, enfin, franchement, pas le meilleur moment, si on peut dire. Oui, tout à fait. Le fait qu'il disait... au début, je serai gentil avec les gentils et c'est méchant ça. Avec les méchants. C'est ça. Nous, on dit, en fait, il est méchant avec tout le monde. Il est méchant avec tout le monde. Il n'y a aucun... Il a été retiré de la loi les quelques aspects positifs qui étaient sur le travail en tension, dont nous, on considérait qu'il fallait effectivement un titre de séjour, non pas pour les travailleurs, non pas pour les métiers en tension, mais pour l'ensemble des personnes qui travaillent, accorder un titre de séjour de droit. Or, à l'arrivée, c'est un titre de séjour ciblée sur les métiers en tension. Comment on définit les métiers en tension? Ils peuvent changer. Alors, qu'est-ce qui se passe quand le métier en tension n'est plus en tension? Et surtout, ce n'est plus un titre de séjour. Ce ne sera pas un titre de séjour de droit, ce sera un titre de séjour. Une admission exceptionnelle au séjour, donc quelque chose de très court et de très lié à la vie du préfet. D'accord. Donc, rien de ce qui était promis. Oui. Par exemple. Oui, oui. Et en plus, il a commencé à dire des choses, je dirais, pour soit c'est sous le terrain de la provocation ou pour faire émerger un débat, je ne sais pas, mais en fait, c'est tout à fait malsain. Et en plus, il donne des chiffres qui sont très, très discutables. Par exemple, on sait chez Oxfam que, je crois que vous confirmez aussi du côté de la CIMAD, que sur la globalité des de la population étrangère, il n'y en aurait que entre 0,52% et 1,19% qui seraient vraiment en situation irrégulière sur l'ensemble de la population étrangère. Alors que, en même temps, il dit que la France va vers un 10% d'un flux migratoire qui représente 10% de la population. Enfin, alors, donc, de fait, alors si on prend le livre de François Héran, il a écrit un livre justement sur comment ça s'appelle le grand déni de l'immigration. Il y a effectivement environ 7 millions d'immigrés aujourd'hui en France, hein, donc ça fait à peu près 10% de la population. Alors sur les gens en situation régulière, sur les gens, alors c'est compliqué les chiffres parce que nous on estime à peu près à 500, peut-être entre 400 et 600 000 les personnes qui vivent sans papier en France. D'accord. Donc, et pour nous, alors là on est assez clair là-dessus à la CIMAD, pour nous ces personnes-là il faut les régulariser, c'est-à-dire qu'il faut régulariser 500 000 personnes qui n'ont pas de papier mais qui vivent sur le territoire, qui travaillent sur le territoire, qui ont leurs enfants, qui sont logés, etc. et qui du coup aujourd'hui ont peur, et alors elles vont avoir peur encore plus aujourd'hui qu'hier avec la nouvelle loi. Alors que si simplement on les régularisait, puisqu'elles sont logées, qu'elles vivent, etc., ça ne coûte rien et ça leur permet simplement de ne plus raser les murs, ça leur permet simplement d'obtenir les aides auxquelles elles auraient droit si elles étaient régularisées, de vivre ici normalement. Voilà, ouais. Ça c'est quelque chose qu'on dit très très clairement, oui. Et est-ce que la CIMAD a ciblé, a identifié un ou deux articles qui sont vraiment... À supprimer En fait, nous, on est horrifiés par cette loi-là, puisqu'on dit que depuis 40 ans, il y a une loi tous les deux ans, et qu'elle est chaque fois plus dure que la précédente. Et celle-ci, l'autre jour, on a eu un décryptage, donc comme vous l'avez dit, la CIMAD décrypte, enfin voilà, elle est... Il y a beaucoup de juristes à la CIMAD et le décryptage de cette loi-là, il est de 77 pages pour vous dire. Et en fait, ce qu'on dit, c'est que ce que les juristes de la CIMAD nous disent, c'est que cette loi est terrible. Elle appelle ça le musée des horreurs, parce que elle met la barre tellement haut sur toutes les soit les conditions à obtenir pour rester, soit la façon dont on va stigmatiser les gens, la façon dont la répression va augmenter, les expulsions vont augmenter, les obligations de quitter le territoire vont être triplées. Enfin, tout est catastrophique. Il y a la seule chose, on va le dire comme ça, qui est qui avait été demandé et qui a été obtenu, c'est le fait qu'on ne mette plus les enfants dans les centres de rétention. Nous, on est pour la suppression des centres de rétention. Jusqu'alors, les enfants allaient avec leur famille dans les centres de rétention, c'est-à-dire des lieux où ils sont quasi enfermés en attendant un départ, un retour chez eux, mais souvent, on ne les y autorise pas. Donc, ils repartent ensuite... au bout de 90 jours maximum, ils repartent ouais. dans leur, enfin voilà, de là où ils viennent en France. Et donc ça, maintenant, on n'a plus le droit d'enfermer des enfants dans les centres d'accord. d'enfants. C'est la seule chose qui a été obtenue de ce qu'on a demandé. Tout le reste, c'est... C'est une pression supplémentaire. C'est... Absolument, absolument. Une obligation de quitter le territoire, par exemple, c'était au bout d'un an, on pouvait refaire un dossier de demande de titre de séjour. Maintenant, c'est au bout de 3 ans. Les assignations à résidence vont forcément augmenter puisque les familles ne pourront plus aller dans les centres de rétention, donc on va augmenter terriblement les assignations à résidence qui étaient déjà en augmentation. Une exigence terrible en matière de langue française, c'est-à-dire il faut connaître la langue pour demander un titre de séjour, pour demander une carte de résident, il faut que la langue soit maîtrisée encore plus, pour demander la naturalisation, oh. il faut que la langue soit encore mieux connue. On a regardé qu'il fallait 3000 heures de formation, ah. 3000 heures de formation pour obtenir une carte de ah. séjour pluriannuelle. C'est affolant. Et de tout plus, est comme ça. En favorisant la vidéo ou tout ce qui est à distance, hein, c'est ça. Alors ça, oui, ça c'est parce que là on parle de personnes qui demandent le séjour. Après, il y a tout le volet effectivement de demandeurs d'asile qui se complexifie aussi. On peut aller en recours, la CNDA, c'est donc la commission de recours, la cour de recours de la demande d'asile. Et il y avait 3 juges, maintenant on l'a réduit à 1 juge. Et puis on peut effectivement le faire en visio. Donc ça aussi, c'est un élément qui va fragiliser la personne qui demande l'asile. Mais c'est vraiment, on est extrêmement catastrophé, en colère, abasourdi par... ce qui a été proposé là. Et alors, pour l'anecdote, les juristes de la CIMAD disent qu'en plus, ils n'ont jamais vu une loi aussi mal écrite. Ils disent, mais elle a été écrite avec les pieds, tellement il y a des choses, alors peut-être qu'ils pourront permettre, je sais pas, certains recours, ou parce qu'elle est... En ouais. plus des horreurs qu'elle diffuse, elle est mal écrite. C'est donc vraiment malsain. Oui, c'est vraiment malsain dans cette période actuelle. On n'a pas besoin de remettre ça sur le en devant. Et... Absolument. Bon. Et l'autre chose que je peux encore dire, parce que c'est important, c'est justement dans le caractère répressif de la loi, c'est cette notion de trouble à l'ordre public, qui est quelque chose qui est toujours apparu dans les différents textes. Sans que ce ne soit défini d'une quelconque manière, mais là, ça apparaît vraiment sans arrêt dans la loi. Un chiffon rouge. C'est menace à l'ordre public, et ça va se retourner pour 3 fois rien, parfois, pour 3 fois rien. On peut se servir de cette phrase-là pour dire, eh ben, finalement, vous aviez... une carte pluriannuelle, et ben vous avez menacé par exemple le conduite en état d'ébriété, vous voyez, et bien finalement on ne va pas renouveler votre carte pluriannuelle, on va vous donner une carte plus précaire. C'est donc ça aussi c'est terriblement déstabilisant et fragilisant pour les c'est personnes. Ça. J'ai lu ça aussi sur le site Oxfam bien sûr. Ben vraiment merci Isabelle pour ce témoignage. C'est tellement grave qu'il faut effectivement le alerter partout et tout le temps. Oui. Et peut-être interroger une autre fois dans la rue. Et puis restons toujours vigilants et monter au créneau à chaque fois. Grand merci. Beaucoup, bonne suite dans la journée. Au revoir. Au revoir. Hello Oxfam sur Fadjet avec le groupe local Oxfam Nancy. On se retrouve après avoir entendu l'interview que Jean-Paul a eue avec Madame Kaufmann, Isabelle. Madame Kaufmann, voilà. Est-ce que tu aimerais revenir sur cette interview ? Oui, j'ai oublié de dire en début d'interview que Madame Kaufmann est vice-présidente de la CIMAD Grand Est et que, voilà, localement, la CIMAD est très présente. Anime des conférences, elle a fait venir aussi une artiste, j'ai vu ça à l'MJC Pichon, qui était très intéressante sur le parcours d'un migrant. Et d'autres, entre autres choses, voilà. Et avec Oxfam, la CIMAD et d'autres ONG amis, on fait des travaux croisés régulièrement sur la métropole. Et donc, qu'est-ce que tu en as pensé de cette loi et de cette interview ? Ben, ça m'a beaucoup plu d'interviewer Isabelle, parce que bon, ce que j'ai retenu, c'est que sa phrase, cette loi a été écrite avec les pieds, quoi, vraiment. C'est-à-dire que vite, vite, Darmanin et ses sbires, je dirais, ont voulu pondre cette loi. Et Oxfam, dès novembre 2023, alertait sur les méfaits de cette loi qui nous accélérate, c'est-à-dire qui ne va pas dans le sens de la responsabilité d'un gouvernement qui doit travailler au vivre ensemble et à travailler à une communauté de Français qui se respectent entre eux, je ne sais pas comment dire, voilà, et que l'accueil des migrants, c'est quelque chose d'essentiel. Et on revient toujours à cette France, pays des droits de l'homme, qui devrait montrer l'exemple. Et là, c'est le contraire qui se passe. D'accord, je comprends. Oui, ça te va ? Oui, c'est parfait. Et donc, avant de passer à autre chose, nous avons voulu vous passer donc une musique. C'est sur Radio Fadjet, c'est Ariana Grande, Yes and. Hello Oxfam sur Fadjet avec le groupe local Oxfam Nancy. De retour après avoir écouté Yes and de Ariana Grande, et maintenant nous allons passer complètement à autre chose. Après avoir parlé de la loi Darmanin et avoir écouté une interview, donc je voulais vous parler du 8 mars qui est la journée internationale des droits de la femme. À juste titre, Yoni, parce que là, on reboucle avec une actualité. Nous sommes en mars, je te rappelle. Voilà, exactement. Donc là, on revient vraiment dans l'actualité. Donc, je vais vous parler très rapidement sur les origines du 8 mars. Donc, la Journée internationale des droits des femmes trouverait son origine dans les manifestations des femmes au début du XXe siècle en Europe et aux États-Unis, réclamant des meilleures conditions de travail et le droit de vote. La féministe allemande Clara Zetkin lance la proposition d'une journée internationale des femmes en 1910. Des journées de mobilisation sont prévues alors et les années suivantes. Mais c'est vraiment le 8 mars 1917 qui fait rentrer cette date dans l'histoire avec la grève des ouvrières de Saint-Pétersbourg qui marque le début de la révolution russe. Et ce n'est qu'en 1977, suite à l'année internationale de la femme en 1975, que les Nations Unies instaurent une journée internationale des droits des femmes le 8 mars. Depuis la journée du 8 mars est le rendez-vous incontournable des féministes pour rappeler que le combat pour l'égalité est loin d'être atteint et continue toujours. D'ailleurs, dans le monde, plus de 70% des plus pauvres sont des femmes, soit 435 millions de femmes vivant avec moins de 1,9 $ par jour. Et 47 millions de femmes avaient basculé dans l'extrême pauvreté à cause de la pandémie du Covid-19. Dans le monde, en plus, 2,4 milliards de femmes en âge de travailler n'ont pas les mêmes opportunités économiques que les hommes, selon la Banque mondiale. Et à l'échelle mondiale, le salaire de toutes les femmes ne représente que 77% de celui de tous les hommes. Et dans le pire des scénarios climatiques, l'insécurité alimentaire devrait toucher jusqu'à 236 millions de femmes et de filles, contre 131 millions d'hommes et de garçons. Et enfin, donc, les femmes consacrent environ 2,5 fois plus de temps aux soins non rémunérés et aux travaux domestiques que les hommes, ce qui les handicape ensuite dans la retraite et dans leur carrière professionnelle. Est-ce que t'avais quelque chose à dire ? Mais oui, parce que les communautés villageoises en Afrique de l'Ouest, par exemple, sont tenues principalement par des femmes qui sont à la manœuvre pour faire vivre leur famille. Et puis, elles ont un travail au quotidien qui est énorme. Et on pense aussi à la déscolarisation des jeunes femmes, des jeunes filles, malheureusement. C'est vrai que c'est aussi envisagé, ça. Ouais, il y avait des progrès dans les années 80, un peu avant 2000. Mais là, depuis une dizaine d'années maintenant, les jeunes filles aident les mamans à porter l'eau, par exemple. Les puits sont à sec et les enfants sont mobilisés autour des femmes. Et c'est de plus en plus dur pour elles. Oui, c'est vrai. Et je comprends tout à fait. Enfin, c'est très difficile. La lutte, elle continue. Enfin, même l'UNESCO, ils avaient des objectifs pour faire entrer le maximum d'enfants à l'école. Mais c'est loin d'être atteint, quoi. Tout à fait, oui. En tout cas, je te propose de passer à quelque chose de un peu plus d'échange entre nous, un petit quiz donc qui provient du site d'Oxfam France sur les droits des femmes dans le monde et les inégalités. Je n'ai rien révisé, Yoni. Pas d'inquiétude. Donc la première question, ce serait: qui est la première femme au monde à avoir été élue chef d'un État ou d'un gouvernement? A. Vigdís Finnabogadóttir en Islande, B. Margaret Thatcher au Royaume-Uni ou C. Claire Underwood aux États-Unis. La première femme qui ait eu des responsabilités. À avoir été élue chef d'un État ou d'un gouvernement. Oui, c'est Thatcher. Tu penses? Bah, d'accord. Tu donnes les réponses tout à l'heure. Non, faux, tout de suite. Bon. La bonne réponse, c'est la première femme que j'ai nommée, donc Vigdís Finnabogadóttir, en Islande. En Islande. Qui a été élue chef d'État au suffrage universel en 1980. 1980, bon, écoute. Et aujourd'hui, sur les 185 États reconnus par l'ONU, 28 femmes dirigent un pays ou un gouvernement seulement. Okay. C'est trop peu. Voilà, et seulement 5 pays ont la parité au Parlement. Parmi les maires de communes en France, combien sont des femmes? A. 66,1%, B. 40,3% ou C. 19,8%. Bon, allez, 19, hein. Oui. Bon, ça va mieux. Juste, voilà. Sur 35 000 communes presque, seulement 7 000 sont dirigées par des femmes, soit 19,8% de femmes maires. C'est peu, mais c'est en progression par rapport à l'an 2000, où elles étaient seulement 7%. Vive la France! Voilà. Parmi les femmes inactives, combien ne travaillent pas à cause des obligations familiales? 10%, 20% ou 50%? Parmi les femmes inactives, donc qui n'ont pas d'emploi, combien ne travaillent pas à cause des obligations familiales? Et les pourcentages sont 10, 20 ou 50%. 50, oui. C'est faux, c'est 20% des femmes inactives qui le sont en raison de responsabilités familiales contre 4,5% d'hommes. Donc c'est à cause des tâches ménagères, de la garde des enfants, le soin des personnes âgées ou en situation d'handicap. Le travail informel, oui. Voilà. Et le travail informel sur la planète, tu sais que c'est énorme. Hein. J'ai découvert ça récemment. Non, je ne savais pas. Avec la fresque des inégalités. On en parlera à la prochaine émission, Yoni. Ça pourrait être un focus sur cette fresque des inégalités. Eh bien, à l'échelle planétaire, c'est 77% du travail, le mot travail avec des gros guillemets, qui n'est pas contractuel, quoi, qui est informel, en fait. Et du coup, qui n'est pas rémunéré. Ouais, et dont les femmes font partie largement en majorité, quoi. J'aurais encore deux, trois petites dernières questions parce qu'on arrive bientôt en plus à 17h30. Donc, combien d'années de travail faudrait-il à une infirmière française pour gagner ce que gagne en moyenne un dirigeant du CAC40 en un an ? Oui, oui, oui. Combien d'années, du coup, de travail ? C'est le maximum. 10, 70 ou 150 ? Ouais, 150. Et effectivement, c'est 150 ans. Donc le chiffre il est vraiment hallucinant et il permet de prendre conscience de l'ampleur de la crise des inégalités que nous traversons. Donc 150 ans, je connais personne qui pourra travailler autant de temps. Bon ben tu vois, je parlais des inégalités juste avant. Et oui, tout est lié. Comme quoi. Et parfait. Donc quel est l'écart entre les pensions de droit direct de retraite des hommes et des femmes ? Donc les pensions des femmes et des hommes sont égales en France, les pensions des femmes sont inférieures de 25% à celles des hommes ou les pensions des femmes sont inférieures de 40% à celles des hommes. J'hésite entre 25 et 40, mais effectivement selon leur parcours interrompu par les grossesses, etc., on est plutôt sur 40, oui peut-être. Et oui, c'est une bonne réponse. Les pensions des femmes sont inférieures à 40% à celles des hommes. Je ne sais pas pourquoi je l'avais fait un peu avant, je pensais que c'était 25, mais non. Et cela s'explique par des salaires globalement plus bas et par des carrières plus hachées et donc moins souvent complètes en raison du travail de soins non rémunérés qu'on évoquait juste avant. Donc c'est pour ça que la réforme des retraites projetée par le gouvernement va être particulièrement défavorable aux femmes. Et donc Oxfam a recommandé d'examiner chaque proposition pour le prisme du genre avant toute prise de décision. Ouais, c'est juste. Voilà. Ouais. Et une dernière question pour la haute. De combien faudrait-il augmenter le nombre de places d'hébergement pour répondre aux besoins des femmes victimes de violences ? 240%, 70% ou 50%? Bon, si je suis optimiste, c'est 70, mais je crains le pire, Yoni. C'est une mauvaise réponse, c'est 240%. Mais oui. Donc, qui doit atteindre 9519 fin 2022, alors qu'il en faudrait 23460 selon la Fédération nationale Solidarité Femmes. Donc l'État doit vraiment investir massivement dans la protection des victimes parce que c'est un chiffre qui ne fait qu'augmenter. Oui, il y a le site Oxfam que j'invite les auditeurs et auditrices à aller voir régulièrement si possible. Il y a des tas de choses intéressantes sur ces questions. Oui, oui, vraiment. Et bah, écoutez, merci à vous chers auditeurs et merci à toi Jean-Paul pour l'interview mais également pour le petit ping-pong. À se revoir. Ah oui, c'était vraiment un plaisir. Donc on va se retrouver plus prochainement, donc il n'y aura pas d'autant de... Il y a moins de vacances, ou alors on va éviter les zones de vacances pour être un peu régulier, mensuellement comme prévu. Voilà, mensuellement comme prévu. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été là avec nous pendant cette demi-heure, et on vous souhaite une bonne journée, et à la prochaine. Au revoir. Au revoir.